Francis, je m'appelle quoi? Je fais partie du 7 de mars, qui est une association qui fait partie elle-même d'une structure plus globale qui est les SEL, les systèmes d'échange local. Voilà. Donc on échange son service, c'est le principe, et on échange essentiellement des services et aussi des biens. Voilà. Donc, si je regarde un peu dessus, donc la transition c'est important pour nous parce qu'on échange localement et aussi solidairement. On a une charte dans laquelle on précise les principes qui nous font échanger en privilégiant le lien plutôt que le bien, disons. Ouais. Donc nous avons besoin d'adhérents et nous pouvons donner des conseils que nous rémunérons en sardine au 7 de mars. Voilà. Donc en sardine qui sont les unités d'échange qui remplacent la monnaie pour les coups. Ouais. Sans vrai. Non, il y a plusieurs unités d'échange. Chaque selle a sa unité d'échange. Merci. Je vous remercie.